viens du pays des violets, des verts, j'ai pris des couleurs. Tony Montana, j'fais dans la coco, mais j'suis plein voleur. Hein, qu'est-ce t'as cru? 5 dans le fut, plein d'autres trucs. Millions d'euros, millions de vues, millions de putes, j'l'ai tendu la main, ils m'ont pris la hublot. Sont jamais contents, ils sont jamais réglo. Non reconnaissant, j'les ai fait fumer, ils m'ont laissé les mégots. Sont jamais contents, sont jamais réglo. Non reconnaissant, j'leur ai tout donné, ils m'ont tourné le dos. Hey, hey, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis de faire confiance, j'fais même pas confiance à mon ombre. Hey, hey, un micro et un colt. Cette année, j'vais tout calmer. Les Chinois inventaient la poudre, donc plus rien ne sert de pousser la fonte. On est sur écoute, ne parle pas au tel, parle pas dans la loque. Plongé dans le doute, assis dans le bloc, j'ai vendu la drogue. Je me sens menacé, je marche pas tout seul, chargé tout le temps. T'étais mon poteau, mais tu m'as trahi, maintenant fous le camp. Mes frères au monde, t'inquiète, si tu veux les fumer, t'inquiète. Pas de quoi m'acheter une barquette, je me suis refait avec une plaquette. J'ai vendu, mais voilà, j'ai jamais tourné la veste. Ils sont pas contents que je dégueuse, ils aimeraient me voir caner dans la tête. Hey, hey, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis de faire confiance, j'fais même pas confiance à mon nom. Hey, hey, un micro et un cop. Cette année, j'vais tout calmer, galouer, j'ai des idées sombres. Hey, hey, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis de faire confiance, j'fais même pas confiance à mon nom. Hey, hey, un micro et un cop. Cette année, j'vais tout calmer, galouer, j'ai des idées sombres. Mon cœur il est mort, mais maman est là. Le soir je dors pas, que je pense à elle, je la prends dans mes bras. C'est vrai que tout va mal, mon corps ne marche pas, demain ça ira. Tu m'as fait du mal, je t'ai pas oublié, un jour on verra. N'essaye pas de me taper la bise, mon cœur ne supporte pas ta gueule. Le soir je dors pas, que je pense à elle, je la prends dans mes bras. J'ai perdu un frère, je suis triste, ce jour-là j'ai acheté un gun. Tu m'as fait du mal, je t'ai pas oublié,